question? Oui. Si. Oui. S'il y en a qui ont des questions, qu'on aura fini de poser des questions qui sont écrites, gênez-vous pas. Ça va bien parler, moi, je fais juste la poser. La question, c'est pour moi qui répond, gênez-vous pas. Qui, quoi, bloque la valve du presto lorsqu'il est à 97 % de pression pour atteindre le 100 % et plus? Bon, qui ou quoi bloque la valve? Alors, j'ai expliqué que pour que l'humain finisse par rayonner ou éclater, il a besoin d'énergie à l'intérieur. Cette énergie, elle s'accumule souvent par l'écœurement. Elle s'accumule donc par l'expérience. L'écœurement, c'est une pression interne au niveau de la psychologie qui fait que l'humain a l'impression que quelque chose va sauter. Et ce qui arrive, c'est qu'on a des mécaniques qui nous permettent de survivre ou de supporter ce trop grand degré de pression. Et lorsque, si on a besoin, disons, de 100 % d'énergie pour commencer à changer réellement, eh bien, quand on approche de 75 %, il y a une valve de sécurité qui s'ouvre. Une valve anti-évolution, plus ça comme vous voulez. Vu qu'elle s'ouvre, bien l'énergie sort, et puis là, ça baisse, puis rendu à 50 %, à 50 degrés, bien, là, ça se ferme, plaque. Fait que là, il faut qu'on recommence. Alors, on a toujours l'impression bien, qu'on arrive, on arrive, on arrive, puis finalement, bien, ça passe. Puis un an après, bien, ça recommence, on a l'impression que ça passe encore. Et il faut que quelque chose ou quelqu'un mette le doigt là-dessus pour la bloquer. La question, c'est qui ou quoi bloque la valve du presto? Il y a des façons d'absorber de l'énergie. Il y a une des façons qui conserve l'énergie, qui fait en sorte qu'on transforme l'énergie en grumeaux. Et quand c'est transformé en grumeaux, ça ne sort pas par la valve. Et il y a une autre façon qui fait qu'on rend l'énergie plus petite, plus subtile. Alors, on parle souvent d'énergie. C'est comme si vous aviez des cubes d'énergie de un pouce cubique. Et quand on accumule l'énergie d'une certaine façon, on fusionne les cubes ensemble et on en fait des cubes qui ont peut-être un pied cubique. Ça ne sort plus par la valve. Tandis qu'on peut aussi travailler avec l'énergie d'une autre façon et on prend le cube qui a un pouce puis on le divise en huitième de pouce cubique. Et ça sort par n'importe quelle fissure, ça sort aussi par la valve. Une personne me demande un jour, pourquoi on rit? Pourquoi c'est drôle? Ben, c'est facile parce qu'on fait n'importe quelle connerie. Moi, je pourrais arriver avec un Kleenex que j'ai jeté qui est resté collé après ma marche, là, puis je rentre ici, puis tout le monde se met à rire. N'importe quelle connerie. Oui, c'est ça. Et là, c'est dangereux. Alors, n'importe quelle connerie. Ouais. Tu vois, quand moi, je les fais, sont bonnes. Ouais, on parle pas le même langage. C'est ça. Alors donc, qu'est-ce qui fait que c'est drôle? Quand on rit, on a la capacité de prendre l'énergie qui nous est amenée. Parce que pourquoi c'est drôle? Quand l'ego, quand l'humain a accès à quelque chose de neuf, nécessairement, il accumule de l'énergie neuve. Alors, autrement dit, au lieu de jouer avec ce qu'il a déjà dedans, il doit prendre du neuf. Prendre du neuf veut dire laisser pénétrer du neuf, et le neuf pénètre toujours avec une forme, mais il est toujours constitué d'énergie, de l'information. Alors, si on fait une farce, on donne de l'inattendu à quelqu'un. Parce que ça le surprend, parce que c'est inattendu, c'est neuf. La preuve, c'est inattendu. Parce que c'est neuf, c'est de l'énergie qui s'additionne à sa constitution psychologique. Parce que ça s'additionne, cette énergie-là, elle devient problématique pour l'humain, pour l'ego, pour l'âme. Parce qu'elle est problématique, l'humain devra la digérer, c'est-à-dire qu'il devra la transformer. Il y a deux façons de transformer de l'énergie qui rentre, deux façons de transformer du neuf qui pénètre. Pleurer ou rire. Et il n'y a que l'humain qui fait ce genre de choses. Il peut projeter quand il pense que, mais il y a un humain qui fait ça, qui est évolutif d'ailleurs. Les animaux ne sont pas évolutifs, les plantes non plus. Ils ont des émotions, mais ils ne sont pas évolutifs, donc ils ne rient pas, ils ne pleurent pas. Bon, les seuls chiens que j'ai entendu rire, moi, sont des dessins animés. Bon, c'est pour... Il s'appelait, en tout cas, un chien bizarre. Il riait bizarre aussi. Lorsque l'être humain a accès à du neuf, lorsque c'est une farce, lorsque c'est n'importe quoi, et que ça le fait rire, il prend ce qui pénètre et il le fusionne en bloc plus gros. Plus l'être humain est capable de rire de lui, plus vite il se libère. Plus l'être humain est capable de rire de la vie, des situations, plus vite il se libère. Je le dis souvent, bon, pourquoi il se libère plus vite? Parce que l'énergie qu'il cumule, il ne la perd plus. Mais plus l'être humain pleure, souvent braille, on a déjà dit que l'homme nouveau ou la femme nouvelle pouvait pleurer. Elle repousse l'excédent d'énergie vers l'extérieur, mais elle ne braille pas. Tandis que l'homme ancien et la femme ancienne, l'humain traditionnel, braille. Je dis aussi souvent que la clé du salut, c'est finalement, quand je parle du salut, il faut faire attention, on ne vient pas nous sauver, mais la clé de la liberté, au niveau de la conscience, c'est d'être capable de supporter l'écœurement sans se déprimer. Et on en arrive à un point où, à un moment donné, on est écœuré pour trouver ça drôle. C'est ce qu'il faut faire. L'humain conventionnel va trouver que vous êtes peut-être un peu fou ou un peu folle. Bon, ça, c'est ses problèmes à lui. Comment on fait? Qui que quoi qui met le doigt sur la valve pour l'empêcher de sortir? Eh bien, il y a l'intelligence prémentale qui peut faire la mécanique. Il y a un autre être humain qui, à un moment donné, vous allez rencontrer, qui va simplement vous confirmer. Il va achever votre formation. Il peut être moins énergisé que vous. En spiritualité, on dirait moins évolué. Il peut être égal, il peut être plus énergisé que vous, ça n'a aucune importance. L'important, c'est qu'il puisse vous confirmer. Autrement dit, il doit être à un niveau d'évolution ou de conscience, donc de perception, suffisamment avancé pour être capable de reconnaître ce que vous êtes. Autrement dit, lorsque un adulte de 55 ans se met à dandiner sur la rue, les humains qui sont autour ne trouveront pas que c'est déplacé. Donc, il confirme que le bonhomme ou la bonne femme est un jeune vieux. Et c'est ça la fusion. Alors que si l'individu se promène comme ça, tout le monde trouve que c'est déplacé, que ça y va pas, il joue au jeune, il essaie d'être jeune, c'est pas grave, c'est bon. Mais il doit savoir qu'il n'a pas atteint encore le processus de fusion au niveau de ses personnalités réincarnatives. Mais on peut travailler seul. On devra se faire confirmer à un moment donné de façon à ce que le dernier bastion de la fausse humilité, la peur, qui est correcte, c'est pas une peur en réalité, mais c'est une mécanique qui fait que on l'a. Et quand on l'a, on ne peut plus se prendre au sérieux. Donc, on ne peut pas se faire jouer. On ne peut pas se jouer un tour nous-mêmes. Suis-je évolué? Ah tiens, oui, je le suis. Ah tiens, je suis un maître. Ah tiens, je suis missionné. Ceux qui se conscientisent, il vient à un moment donné où ils ne peuvent plus tomber dans ce genre de piège. Ils vont dire, peut-être que je l'ai, puis en même temps, mais peut-être pas. Alors, il y a toujours cette mécanique qui est extrêmement salvatrice, qui est salutaire, mais qui nuit toujours. Et c'est l'une des dernières frontières qu'on devra dépasser. Et normalement, c'est quelqu'un d'autre qui vient nous confirmer. Comme le Nazaréen, ben, c'est Jean le Baptiste qui l'a confirmé. Même s'il était plus puissant que l'autre, ça ne change rien. Et il pouvait se faire avoir en pensant qu'il était quelque chose. Puis quand celui qui reconnaît les gens le reconnaît, ben là, à un moment donné, tu sais, ouvre tes yeux. Si je te dis que tu es ceci, pas quelqu'un, là. Moi, je rencontre quelqu'un, puis je lui dis, sais-tu que toi, tu es montaditement évolué, ben si la personne me prend pour une autorité, il faudrait au moins qu'elle accepte ce que je lui dis. Ah non, t'as toujours raison, mais là, t'es coloré, là. Ben là, elle n'est pas prête, hein? Il faudra encore qu'on tape un peu en arrière. Donc, si on est capable de rire, l'avantage que ça donne, c'est qu'on conserve son énergie et on continue à grossir. On devient très évolué, donc très réchauffé. La pression interne est plus facile à supporter. Pourquoi? Parce que les blocs se déplacent plus lentement. On fait toujours le parallèle avec les blocs. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'on perd plus son énergie. Par contre, quand on est toujours en train de se plaindre et en train de pleurer, quand on se plaint, on divise les blocs de 1 pouce en demi-pouce. Quand on pleure, quand on braille, on divise ça en huitième de pouce, c'est pas plus petit. Et puis là, nécessairement, par la valve, ça sort. Donc, l'avantage, c'est qu'on devra se faire confirmer à un moment donné. Par qui, par quand, ça, c'est quelqu'un d'autre. Un chien, peut-être. Un cheval qui, à un moment donné, décide de ne plus écouter son cavalier puis dirige vers vous parce qu'il vous a vu. Bien, le cheval vous confirme que vous êtes quelque chose de nouveau. Les oiseaux qui viennent simplement atterrir sur votre tête, c'est très, très, très encombrant. Juste atterrir. Oui, mais moi, j'ai déjà eu mon atterri, mais ils ont fait d'autres choses. Mais j'avais une tuque, une chance. Parce que l'oiseau, ça c'est pas qu'une toilette, ça existe. Hein? C'est comme accès de nouer un oiseau. Alors, j'avais une tuque, une chance. Lorsque l'humain est capable de rire de lui, pas un rire sadique, se plaire, il cumule son énergie, il la conserve. Lorsque l'être humain commence à pleurer, lorsque l'être humain commence à chialer, il divise son énergie. Alors, ça va bien. Il s'écarte, il chiale, puis la pression continue à monter. Oui. Puis rendu à 75, la valve s'ouvre, puis tout ce qui peut sortir sort. C'est ça qui est le problème. Alors que si l'individu est capable de rire, ça vient, ça vient, ça vient, mais ça vient toujours, toujours, toujours. Puis à un moment donné, bien, il arrivera à la phase culminante où il y aura tellement de choses à l'intérieur que la pression interne va faire que ça va tout se fusionner au complet. Et là, il y a une liberté. Parce que ça fusionne, il commence à y avoir un rayonnement. C'est là que le confirmateur va venir te dire, tu ne joues plus, tu es. Il sert juste à ça, lui. Est-ce que l'on peut être entré en résonance partiellement avec le supramental et redescendre en vibration ou en vibre de façon stable ou pas? Oui, c'est ce qui arrive à la majorité du monde. On en vibre de façon stable? Bah, stable, ça dépend encore de la stabilité. Hein? Si ma vision baisse en même temps que la stabilité, j'ai l'impression que c'est stable, c'est relatif. Lorsqu'un individu fonctionne seulement au niveau de l'intuition, est-il supramental s'il ne se trompe jamais? S'il ne se trompe jamais, en tout cas, il est chanceux. C'est pas chanceux chance, mais c'est bien. Ah, tu aimerais ça, toi. S'il fonctionne uniquement par intuition, est-ce qu'il est supramental ou non? Ben, ça dépend de l'individu. Il faudrait qu'on puisse voir l'individu. Parce que si l'individu est extrêmement involué, comme l'oiseau ne se trompe jamais. Quand il fait son nid, il fait un nid. C'est rare qu'il tremble de terre, mette ça à terre. Bon, enfin, le nid peut tomber, mais encore là, faut que l'arbre tombe. Puis l'arbre, ben, c'est pas l'oiseau qui l'a bâti. S'il est suffisamment évolué dans sa conscience, eh bien, nécessairement, il a un contact avec le plan supramental. Est-ce qu'il va le conserver? Ça va dépendre de lui. Ça dépend de son ego. Si, à un moment donné, il développe une partie qui se prend sérieux, qui est fier de tout ça, qui est tout content, qui est tout barbouillé d'enthousiasme, bien, à un moment donné, il va avoir des mécaniques de coloration qui vont faire que, à l'intérieur, à un moment donné, ça va vouloir se prendre pour l'intuition, puis ça va lui amener de l'intuition qui sera fausse. La question n'est pas de savoir si l'individu est en contact supramental. Regardez. Quand on explique des mécaniques, c'est pour faire comprendre certaines parties de la constitution humaine des choses. La personne qui dit, moi, quand j'achète un billet de loterie, je gagne toujours, est-ce que je suis en contact supramental? Qu'est-ce que t'en as à foutre de savoir si t'es en contact supramental ou pas? Bon, moi, je suis toujours heureux, je ne souffre pas, suis-je normal? Non, t'es pas normal. Ça se trouve à faire souffrir. Mais il y a des questions comme ça qu'on se pose qui sont absolument inutiles. Ce sont des questions qui sont dangereuses, des questions qui proviennent même pas des constituants de l'homme, qui proviennent de l'extérieur. C'est une question de manipulation. La personne qui ne se trompe pas. L'important, ce n'est pas d'arriver à un contact supramental. L'important, c'est d'arriver à avoir une conscience claire. Et elle se fera par le contact supramental, OK. Mais le but, ce n'est pas d'avoir le contact supramental. Le but, c'est d'avoir une liberté chez soi. Le but, c'est d'être capable, lorsqu'il y a une question qui transparaît, d'avoir la réponse en même temps. Pas une réponse explicative, une réponse qui nous permet de comprendre, une réponse compréhensive. Lorsque l'être humain entend parler de certaines choses, c'est comme une personne va dire, bon, le Nazaréen disait, dans le langage de l'époque, traduit dans le langage d'aujourd'hui, si tu as la foi, tu marcheras sur l'eau. Ben, le but n'est pas de marcher sur l'eau. Le but n'est même pas d'avoir la foi. C'est que si tu vis telle attitude, tu pourras être confirmé que tu as l'attitude par une résultante qui sera que tu marcheras sur l'eau. Mais l'objectif lui-même n'a pas été décrit. Alors, lui-même n'aurait pas pu le comprendre à l'époque. Alors, on va vous dire, moi, je peux vous dire, par exemple, si, bon, quelqu'un me posait la question, comment savoir je suis en contact supramental? Quand tu ne poseras plus la question? Mon chum, il ne s'est jamais posé, il est-tu en contact? Non, il faudra qu'il se la pose, puis qu'il cesse de se la poser. Il doit connaître pas ça, là, s'il n'est jamais posé non plus. Ah, ben c'est ça, effectivement, oui. Donc, avoir un contact supramental, ce n'est pas l'objectif suprême. C'est quoi l'objectif suprême? Vous le savez. Vous le savez tous. Il y a ici qu'il sait, lui il sait. Ah, lui il sait pas, lui il s'en moque, lui il s'en fout, lui il dit que ça se peut pas, mais vous le savez. Il faut même pas appeler d'en parler. Avec la méthode Memphi, peut-on guérir un mal de dents? Ben, guérir un mal de dents. Guérir un mal veut dire éliminer le mal. Non, on peut guérir un mal de dents, c'est évident. Est-ce qu'on peut guérir la carie? Ça, c'est autre chose. Si oui, ça veut dire qu'il faudrait toujours même physique parce que dans le corps, il y a souvent des malaises difficiles à supporter. Ça, c'est évident qu'il faudrait toujours être menphisé. Menphisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire être totalement, consciemment contrôleur de son corps physique. Ça veut dire qu'on est totalement conscient de tout ce que le corps physique fait. Ah, évidemment, lorsque l'humain commence à apprendre à conduire une automobile manuelle, eh bien, il est là, puis il se concentre sur le bras de vitesse, puis il se concentre sur l'embrayage, puis il ne sait pas quand débrayer, puis il donne trop de gaz, puis il ne sait pas comment regarder dans ses rétroviseurs. Puis il va dire, oui, non, ça n'a pas de sens, ça va virer fou, il faut que tu conduises une auto comme ça. Mais une fois qu'il a appris comment ça fonctionnait, les mémoires d'intervention font qu'il peut jaser avec n'importe qui, même de conscientisation, et puis il s'en va sans problème, il passe la première à la quatrième ou à la cinquième. Menphisé, c'est la même chose. Dans le début, tu es là, il faut que tu apprennes à contracter à peine, contraction menphique, il faut que tu apprennes à bouger très, très, très lentement, mouvement menphique. Faut apprendre à lire et à contrôler ce qui s'imprime dans le corps physique, parce qu'il y a beaucoup de parties qui vous nuisent, qui sont toujours en train de s'exprimer dans le corps. S'exprimant dans le corps, ça devient comme un livre, puis les autres parties qui ne vous nuisent pas lisent ce livre-là, puis pensent que c'est eux autres qui sont de même. Alors nécessairement, ça fausse énormément la vision que l'humain a de lui-même. Mais le physique devient intéressant parce qu'on contrôle ce par quoi ça s'exprime. Dans le début, il faut apprendre. Dans le début, c'est complexe. Puis après un bout de temps, ben, il n'y a plus de problème. Il y a des mémoires d'intervention qui font que nous sommes conscients d'être conscients sans avoir à mettre de concentration sur la mécanique. Quand je conduis mon automobile, moi c'est manuel, et je suis conscient de ce que je fais. Mais ça ne perturbe pas ma conscience d'autre chose que je fais. C'est une mémoire d'intervention, alors c'est la même chose pour le phénomène menphis. Effectivement, l'humain devrait toujours être conscient de sa respiration, de la contraction des muscles respiratoires ainsi que leur décontraction ou de leur contraction négative, l'expiration forcée. L'humain devrait être conscient lorsqu'il marche, ça éviterait qu'il se blesse si à un moment donné il fait un faux pas. L'humain devrait toujours être conscient de son corps physique. Comme quand on conduit une automobile, eh bien, on lit les cadrans. On est supposé lire les cadrans, en tout cas. On est supposé lire les cadrans. Ceux qui ont suivi les cours l'avaient appris. Mais il y en a beaucoup qui ne lisent pas les cadrans. Ben, ils lisent les cadrans. Quand le moteur s'éteint, ils disent « Ah, l'huile! » Ça veut dire? D'habitude, c'est ce qui m'arrive. Surtout que quand c'est une lumière, ça s'allume toujours quand c'est trop tard, mais ça... La lumière brûle avant la tête. Dans un monde où il n'y a que des bûches pour s'asseoir, effectivement, il n'y a aucun problème. Mais vivre dans une époque où il y a tant de possibilités de confort et d'utilisation technologique et être assis sur une bûche, s'il n'y a pas de problème, il y a une perte d'énergie pour certaines, que ce soit pour le corps physique ou vital, etc. Bon, c'est une question de point de vue encore une fois. Qu'est-ce qu'on doit prendre? La bûche confortable ou la chaise débile? À nous de choisir. Tout le monde est assis sur des chaises, moi je m'assois à terre, c'est quoi le problème? Ah, mais les gens, ils trouvent que c'est leur problème. Les autres, ils aiment ça, les problèmes, laissez-leur le problème. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on invente la radio qu'on doit avoir une radio. Ce n'est pas parce qu'on invente des Cadillac limousines qu'on doit tous en avoir une. On doit simplement avoir ce qu'on a besoin. Et non pas ce que l'ego désire avoir. Et ce qu'on a besoin, c'est ce qui nous permet d'être libre. Vous savez, la matière, ça permet à l'humain de se libérer. Quand l'humain commence à être libéré, bien là, on invente d'autres matières pour en libérer un autre. Puis cet humain-là, il dit, crime, si j'aurais ça, m'être plus libre. Puis là, finalement, il est tellement pogné que la matière, parce qu'il veut tellement avoir de morceaux pour se libérer, qu'il n'arrive plus à s'en sortir. Imaginez que ce que vous feriez, vous, s'il y aurait un incendie dans la salle ici, puis qu'il y aurait trois portes de sortie. Vous resteriez dans la salle brûlée, sachant pas quelle porte prendre. Il faudrait que je prenne les trois portes. Puis c'est exactement ce qui arrive au niveau d'évolution. Il y a énormément de choses utilisables. Est-ce que vous devez tous les avoir? Non. Dans la jungle du Guatemala, où j'ai été à un moment donné, on avait une église Témoin de Jéhovah, on avait une église pentecôtiste, on avait une église mormone. C'est une église catholique, c'est là que je couchais. Et puis le peuple, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il allait à la messe, aux quatre messes. Parce que plus il y avait de Dieu, plus il se sentait protégé. Ce qu'il ne sait pas, c'est que si chacun des dieux s'entend pour dire, si tu vas ailleurs, je t'oublie. Alors? Ils sont oubliés par les quatre. Ben oui. Ils n'ont pas de trou. Ben, ils ont fait, oui, effectivement, mais du moins, en tout cas, pour eux autres, ils ont des troubles, là. Ils n'ont pas trop vite. Alors, c'est la même chose pour tout ce qui peut être évolutif, tout ce qui peut nous aider. Alors, si je suis assis dans un monde où il n'y a que des bûches, personne n'a de chaise, ça change quoi? J'ai été campé avec un bonhomme qui, lui, s'élevait juste, il n'avait pas sa laveuse à vaisselle dans sa tente. Et puis, il y avait une espèce de fauteuil intéressant que tu t'assois à terre, tu es à côté, puis on était tous sur nos bûches mouillées. Et là, la majorité des humains se mettent à souffrir. On veut tout avoir une chaise comme ça, on veut tout lui emprunter. Quand il se lève pour aller aux toilettes, il faut qu'il amène sa chaise, parce que sinon, il faut qu'il la reconquérisse quand il revient. Et on dit tout, moi, mais c'est pas juste. Mais le problème, parce que lui a une chaise, puis parce qu'on n'en a pas, il faut que la justice de Dieu s'installe. Tout le monde a des chaises ou tout le monde a des bûches. C'est de la stupidité. Alors moi, ce n'est pas parce que les voisins ont ceci, cela ou cela que je dois l'avoir. Il n'y a pas plus de problème. Et ça ne crée pas non plus un déphasement au niveau de l'énergie. Si vous avez à voyager beaucoup, c'est évident qu'il vous faut un avion ou un hélicoptère. Mais peut-être que vous pourriez ne pas avoir ni d'avion ni d'hélicoptère, et peut-être que vous pourriez changer votre façon de voir les choses pour que votre vue change, pour que vous n'ayez plus à voyager. Mais l'humain, ça s'attaque immédiatement sur une chose. Oui, mais moi, je voyage tout le temps, donc il me faudrait un auto qui me permet de... Mais si votre vie n'est pas de voyager, vous allez attendre longtemps en Christi avant d'avoir l'auto. Puis là, vous dites, oui, mais je comprends tout, puis ça ne s'applique pas, ça ne fonctionne pas. Non, c'est parce que vous êtes encore en train de voir le monde comme le monde voit le monde. Et non pas en fonction de ce qui est important chez vous. C'est pas l'automobile qui est important, c'est celui qui est assis dans le siège de l'automobile, puis ce qu'il fait pendant que l'automobile avance. Ça, c'est important. Parce qu'il y en a qui ont des grosses belles automobiles, puis ils sont aussi frustrés quand ils se font couper. Puis ils sont encore plus frustrés quand il y a une crevaison. Puis ils sont encore plus frustrés quand il y a des gratigneux. Mieux vaut qu'ils se promènent en automobile comme une Lada usagée ou un Ford. Plutôt que de se promener dans des automobiles de luxe. Mais est-ce qu'on a ce qu'on a parce qu'on est... C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas ce qu'on veut parce qu'on n'est pas capable de supporter? Ou parce qu'on n'a pas accès à l'avance? Moi, je m'en viens avec le verre d'eau et toi, tu adores le verre d'eau. Tu n'as même pas besoin de t'adapter au goût du verre d'eau. Tout ton palais est fait pour adorer le verre d'eau. Mais moi, je me mets en ligne. Alors, il y a ta femme qui est à côté. Ta femme, elle, quelqu'un arrive avec un verre de café, puis son palais est fait pour le café. Alors, on lui donne le verre de café, elle boit le verre de café, et elle dit, wow! Moi, j'arrive avec mon verre d'eau, puis toi, t'es déjà, tu vois même pas mon verre d'eau, t'es là, tu veux goûter à son café, tu veux prendre du café, tu commandes du café. Puis quand tu vas prendre le café, tu vas faire, mais t'en prends pareil. Puis à la longue, tu vas penser que t'aimes le café. C'est-à-dire que tu auras suffisamment détruit ton palais pour que ça ressemble. Mais est-ce que tu vas te délecter du café comme ta femme? Jamais. Et là, tu peux pas savoir, tu sais pas comment qu'elle le délecte. Alors quand t'as fait, waouh, peut-être tu fais, waouh aussi, tu penses pareil. Alors que c'est de l'eau que tu aurais dû prendre. La vie amène à l'humain tout ce qu'il a besoin. Il n'a pas besoin de travailler. Il y en a qui passent la moitié de leur vie à travailler et qui n'ont pas fait de résultat que celui qui n'a rien fait. Et là, on dit encore, c'est injuste. Mais c'est notre point de vue. Notre point de vue nous fait dire que celui qui travaille devrait avoir plus que celui qui ne travaille pas. Alors que le point de vue naturel, c'est que celui qui prend ce qui lui est dû, il l'a. Puis celui qui décide de travailler pour aller le chercher, bien, il travaille pour aller le chercher. C'est ça, la justice. C'est une liberté. Il y en a un qui veut souffrir pour arriver à l'eau, bien, qui souffre. L'autre, il veut l'avoir tout de suite, bien, il l'a tout de suite. Pourquoi faudrait qu'à un moment donné... Mais c'est pas « il veut l'avoir ». Parce que si c'était juste ça, on aurait tout ce qu'on veut tout de suite. Non. Si c'est de l'eau que tu as à avoir et que c'est ça que tu veux avoir, sans avoir à souffrir pour aller le chercher, tu l'auras dû immédiatement. Ah, ben, faut que tu veuilles qu'est-ce qui a été prédestiné. Alors, cesse de vouloir, puis tu vas prendre simplement ce qui va arriver. Si tu es là, tu regardes l'autre prendre son café, puis quand on t'offre le verre d'eau, tu le prends, mais tu vas faire les mêmes faces qu'elle. Puis tu vas dire, maudit que c'est bon l'eau. Elle va dire, ben non, c'est bien meilleur le café. Puis là, vous allez encore commencer à vous astiner. Bon, ça c'est l'humain. C'est encore dans la vision de l'homme, de la femme. Tout est déjà là. L'humain ne peut pas y croire, je le sais. N'y croyez pas, surtout. C'est dangereux, ça peut fonctionner. C'est là. Simplement là. Les premiers qui ont commencé à faire des machines pour voler en avaient tellement peur de leurs machines qu'ils se sont cassés la gueule avec. Les autres n'avaient pas peur. Et ça a fonctionné. Et on va dire, oui, mais il y en a un moment donné qui a pris un avion, qui était un Boeing 747, extrêmement correct, puis il y a une porte qui est partie, puis il y a trois passagers qui sont sortis. Et évidemment, ceux-là sont morts. Il n'avait pas peur de l'avion, il n'avait pas peur de la porte, il n'avait pas peur de tomber. Comment ça se fait que c'est arrivé? L'attitude de l'humain, en général, fait qu'il devient ou non un facteur expérientiel pour le reste des autres. Étant donné que l'être humain a la capacité, qu'il le veuille ou non, de se réincarner, ce n'est pas parce qu'on détruit votre corps physique aujourd'hui que ça a changé grand-chose. Ceux qui sont morts vont dire « crime, j'ai un maudit problème ». Absolument pas. Ceux qui restent vivants vont dire « j'ai un crime de problème ». Mais non, c'est parce que tu t'attaches à ta roue de secours qui est dégonflée, tu t'attaches à des choses qui ne te regardent pas. L'humain va dire « oui, mais c'est un problème, ce n'est pas un problème ». Quand on évolue, on n'empêche pas autrui de mourir. Quand on évolue, on ne souffre plus de voir autrui mourir. C'est une grosse nuance. Quand on évolue, on ne souffre plus de voir les autres malades. Est-ce qu'on les guérit tous? Ben, si la majorité ont quelque chose à apprendre, pas avec la maladie, mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont malades. La maladie n'est pas là pour vous enseigner quelque chose. Elle enseigne au médecin la maladie. C'est tout. La maladie, elle est là simplement parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas comprises. Et on ne doit pas étudier la maladie pour comprendre la chose. On ne doit pas se dire pourquoi je suis malade ou ceci ou cela. On peut trouver des incidences dans notre vie qui vont engendrer la maladie, mais ça, c'est un facteur qui est extrêmement dangereux. Si quelqu'un dit, c'est parce que je mange trop de sucre que j'ai des caries. Il a raison. Mais la question fondamentale, c'est pourquoi le sucre, pourquoi dois-je m'empêcher de manger du sucre à cause de mes caries? La personne peut dire, c'est parce que je suis trop nerveux que j'ai des ulcères d'estomac. La question fondamentale, ce serait pourquoi suis-je nerveux? Et surtout, pourquoi mon estomac devient-il ulcéré quand je suis nerveux? Là, on change encore de point de vue, on prend une vision qui est plus globale. Au lieu de toujours se dire, bon, je vais essayer de connaître toutes les lois pour m'astreindre à les respecter, il faut faire attention parce que si je m'astreins à respecter des lois qui ne s'adressent pas à moi, ou si ce sont des lois primaires qui font que quand je vais dépasser ces lois, je pourrais en avoir d'autres sans que celles-ci me nuisent. Si je m'astreins à n'exécuter que les premières lois, j'aurai toujours des problèmes. Surtout que je ne pourrai jamais me dépasser. Quand je parle de me dépasser, je parle de dépasser le concept que j'ai de moi-même. Parce que l'humain est déjà accompli, mais l'humain ne peut pas, parce qu'il n'a pas la conviction, parce que chaque petit rayon n'est pas convaincu que l'alliance de tous les rayons va faire quelque chose. Exactement comme si les individus ne veulent pas faire une société parce qu'ils se demandent toujours qui va être le chef dans la société. Alors, ils sont toujours chacun sur leur bord. Chacun cultive le cossin. Quand il y a des ennemis qui attaquent, ils sont tous massacrés. Ils devraient s'unir. S'unir, ça crée la force. Hein? L'oignon fait la force. Bon, alors, ils devraient s'unir, et c'est ce que l'ego devrait faire, s'unir à l'intérieur, se fusionner. L'individu n'aura plus de problème. L'individu n'aura pas besoin d'avoir des concepts de bonheur. En tout cas, il y a même plusieurs choses qui vont libérer l'individu de tout ce que l'individu veut avoir. Je suis continuellement en recherche. J'observe l'ego a le goût de faire plein de choses, il ne fait rien. C'est confus. Est-ce que l'âme est en fusion continuelle? Bon, il y a nécessairement le fait que ça bouge à l'intérieur et que ça force l'ego à faire plusieurs choses. C'est évident qu'il y a une pression qui augmente à l'intérieur, donc nécessairement, il y a des parties de cire qui sont détruites. C'est évident. Parce que l'intellect, il y a des parties intellectuelles qui continuent toujours à rechercher les explications. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre l'énergie pour la digérer, on prend l'énergie pour en reformer quelque chose. C'est comme si vous prenez de la viande, puis une fois qu'elle est mangée, vous en formez des pommes. Parce que vous vous dites, la pomme est meilleure pour la santé. Une fois que la pomme est faite, bien là, vous la digérez. Bien, tout le temps que ça prend à faire ce genre de jeu-là, ça fait que vous perdez énormément d'énergie, vous pouvez avoir un corps fatigué. Lorsque l'intellect est toujours en train de prendre l'énergie, l'information qui pénètre dans la vie, exactement comme celui qui se dit, bon, ben, j'ai renversé mon verre d'eau, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel genre de présage que c'est? Il devrait essuyer sa table à place. Bon. Lorsque on prend énormément d'énergie par l'intellect et par des questions frauduleuses, des questions qui sont dangereuses, ce n'est pas que vous ne devez pas avoir de réponse à ces questions, c'est que vous ne devez pas poser des questions qui vont vous faire de mal. Et ce qui va arriver, c'est que l'être humain étant manipulé aussi par l'extérieur, sa famille, mais aussi par le monde de la mort, par les mémoires du passé qui veulent s'incarner chez vous et qui n'y sont pas encore, nécessairement, de temps en temps, pour vous distraire, on va vous amener de l'information nouvelle. Surtout qu'étant donné que ça se réincarne 24 heures sur 24, à un moment donné, il y a un petit rayon nouveau de miel qui apparaît, puis lui, il dit, « Rayon, qu'est-ce qui se passe là-dedans? » Ça amène des questions qui remettent en question toute votre évolution, toute votre structure. Et on doit faire extrêmement attention à ce genre de questions. Si la question vient qu'elle vienne, vous l'observez, vous l'oubliez. Sinon, ça fait que l'ego va chercher plusieurs choses. L'ego ne sait jamais où s'en aller. On ne sait pas ce que l'on veut faire dans sa vie. Ça, c'est une preuve de fusion. Vous êtes en fusion. Quand l'individu ne sait absolument pas où donner de la tête, donc je ne parle pas juste du travail, mais je parle de toute sa structure de vie au complet. Quand rien ne l'écarte trop, mais plus rien ne le satisfait. Quand il ne sait absolument jamais s'il devrait respirer par la narine gauche ou la droite, ou par les deux ou par tout, quand tout semble extrêmement confus, c'est qu'il y a une fusion des personnalités réincarnatives. Ça doit être fait. Mais parce qu'il y a la fusion peut se faire, bon, il y a votre conscience globale qui est la conscience lucide, et il y a tout le reste. Si la fusion se fait dans le reste, et qu'elle ne vous inclut pas pour l'instant, alors ça crée un feu à l'intérieur qui est intéressant. Tu dirais, toi, qui est problématique. Pourquoi? Parce qu'il y a moi et tout ce qui se passe en dedans auquel je n'ai pas accès. Eh bien, encore une fois, on doit rire, on doit fumer un cigare éteint, on doit attendre. et à un moment donné, on va être inclus dedans. Pour faciliter l'inclusion dans la fusion, on doit rire. C'est tellement facile, je ne veux pas expliquer tout ce que vous avez à faire, c'est de le faire. C'est de cesser, comme tout à l'heure je l'ai dit, vous réécouterez la première partie, de tout faire pour ne pas être ce que vous êtes. Quand tu viens pour dire quelque bon, je me promène avec un homme. Il faut cesser de faire ça. Oui. Je me promène avec un homme et puis j'ai l'impression qu'il est homosexuel. Bon, dans l'automobile. Et puis ça, l'idée me vient. Qu'est-ce que je fais? Je lui pose la question. Est-ce que tu es homosexuel? Il me répond oui. Je dis, ah, je savais. Là, je suis totalement moi-même. Je suis libre. Alors que si je ne suis pas moi-même, je vais penser qu'il est homosexuel. Je vais me demander si c'est homosexuel. Je ne le demanderai pas à lui. Des coups qu'il n'y en a pas un, des coups que je n'insulte, des coups qu'il y en a un, c'est encore bien pire. Et si je ne demande pas, c'est encore bien pire. Des coups qui t'a à la changer de vitesse. Là, tu n'auras pas. Ben, on va pas. Non, mais je veux dire, c'est ce qu'on fait continuellement. On va. Hein? Et là, je vais. Là, bon, j'aurais une question. Une question indiscrète à te poser. On commence à niaiser. C'est ça qui est le problème. Bon, l'humain. Et puis là, je vais lui dire, bon, remarque, c'est juste que moi, ça me dérange pas, tu sais. C'est bon. C'est ça, c'est dur à dire, tu sais, c'est bon. As-tu une blonde? La question, c'est est-ce que tu es homosexuel? Oui? Ah, c'est bien. Moi, non. Puis tu continues. Oh, mais qu'est-ce qu'il va penser? Vous ne pouvez pas commencer à attendre après les arbres, hein, pour évoluer. Bon, lui, il pensera ce qu'il voudra. Vous, vous êtes libre. Vous rentrez quelque part, et puis vous demandez un journal, et puis il n'y en a plus, puis il y a un tel journal qu'on vous suggère, puis bon. Vous venez pour dire quelque chose. Vous avez des choses que vous voulez dire. Je ne parle pas quand vous n'êtes pas là. Alors, je ne parle pas quand vous dites des choses qui vont au-delà de votre pensée, là, quand on est colérique ou quand on est totalement perdu. Non, il y a énormément de choses, il y a des cellules, il y a énormément de choses qui viennent pour communiquer. Ça ne communique jamais. Se fusionner, c'est quoi? Bien, c'est simplement être capable de poser la question, simplement être capable de dire quelque chose. Puis, vous allez dire, oui, mais il se passe encore des facteurs chez moi, donc je sécrète. Bien, sécrète, mais dis-le. Pas que tu sécrètes, vas-y librement. Exactement comme tu rencontres quelqu'un, sais-tu, bon, à un moment donné, je suis allé à l'hôpital Sainte-Justine, et puis il y a un jeune qui me regarde, puis qui me dit, Krim, pourquoi tu me regardes toujours? Je lui réponds, parce que je te trouve cute. Les inhibitions normales vont faire que tu peux pas, parce qu'un homme ne devrait pas trouver un jeune garçon cute, beau, parce que c'est dangereux. Dangereux, je comprends, c'est dangereux. C'est stupide. Et c'est quoi être soi? Ben, c'est simplement de le dire. Alors, si je te demande pourquoi tu as une moustache, parce que ça me tracassait, tu me réponds, ça te regarde pas, ben, c'est correct. C'est simple. Alors, l'être humain, c'est pour ça souvent que dans l'éthiologie, on dit qu'il faut redevenir comme un enfant. Il ne faut pas redevenir comme un enfant. Pourquoi redevenir comme un enfant? Est-ce que tout ce que l'adulte est pourri? Non. L'enfant, il n'a pas conscience de ce qu'il est. Nous, nous ne pouvons plus avoir ce qu'il a. On en est conscient. Il faut faire l'alliance des deux. Il faut être comme l'enfant, puis être conscient comme l'adulte de ce qu'est l'enfant. Et là, c'est intéressant. Alors, c'est pas nécessaire de commencer à s'habiller en jeune. On doit être l'alliance des deux. C'est la fusion. Vous avez tous vos mémoires d'enfants chez vous. Ils font partie de ce que vous êtes. Ils doivent être fusionnés avec les mémoires des adultes. Alors c'est simple. Ce qu'on a à faire, finalement, c'est de le faire. C'est simple. Des précisions sur accepter d'être riche. Accepter. Accepter. Tolérer. D'être riche. Bon, on va y revenir. Je continue. Comment faire pour se calmer devant toutes les parties en nous qui s'éveillent? Qu'on ne sait plus trop sur quel fil danser, technique, suggestion, référence, etc. Ben, ils ont inventé des danses qui facilitent la chose, vous dansez sur n'importe quel fil. Bon. Technique, suggestion, référence, non. Comment faire pour se calmer devant toutes les parties en nous qui s'éveillent? La question, elle est posée comme un parent qui parle de ses enfants. Parce qu'en réalité, c'est comment faire pour faire taire toutes les parties qui s'éveillent. C'est d'autres qui m'écœurent. Puis on ne peut pas. Les parties qui s'éveillent chez vous vont vous créer des petits une petite perturbation. Les parties qui sont déjà réveillées vont avoir de la difficulté à les prendre. Et tout ça, c'est l'évolution. Ça va vous rappeler que vous êtes vivant. Ça va vous rappeler que vous êtes évolutif. Ça va maintenir dans votre conscience que vous n'êtes pas uniquement de la chair ou un corps, un passager sur la planète Terre. Ça va maintenir dans votre conscience que vous n'êtes pas seulement un jouet du temps. Et ça confirme surtout dans votre conscience que vous êtes à caractère ascendant. Vous avancez. C'est ça qui est une forme d'évolution, amélioration. Calmer tout ça au complet, on ne peut pas. Ça ne servirait à rien de le calmer non plus. On doit s'habituer à entendre un bruit qui est un bruit de travail. Alors que vous avez toujours pensé que quand il y avait ce bruit-là, c'était un bruit de guerre. Ce n'est pas la même chose. Parce que vous avez entendu des soldats creuser des tranchées, chaque fois que vous voyez un laboureur travailler, vous pensez qu'il prépare la guerre. Et là, vous êtes frustré, vous parlez de paix, vous voulez ôter la charrue, vous voulez tuer peut-être même le fermier, celui qui laboure. C'est une question de vision, encore une fois. À l'intérieur de vous, il n'y a pas juste de la guerre. Il y a de la guerre quand on résiste, il y a de la guerre quand l'extérieur vient s'immiscer, que ce soit du monde de la mort ou par l'intermédiaire des autres. Il y a ces problèmes. Mais il y a énormément de fois où chez vous, ce qui fait le bruit, c'est un bruit d'avancement. Et les parties qui ont vécu dans l'actuelle humanité ont trop de mémoire que l'avancement est problématique. Tout le système traditionnel social et les systèmes religieux comme les systèmes qui sont scientifiques, regardez la médecine, sont basés sur une unique conviction, empêcher le neuf de naître. La médecine refuse les médecines douces, les théologies refusent l'augmentation de leur matière théologique, l'émission du neuf, et les parties qui nous constituent sont bâties un peu comme cela. Quand on entend creuser, c'est pas toujours des tranchées qu'on creuse. Ça peut être un canal, ça peut être un trou pour mettre des conduites de gaz. Quand ça bouge en dedans, c'est pas toujours contre nous. C'est pas toujours non plus négatif. « Oh, ça fait du bruit, je comprends, mais moi je suis capable de tolérer qu'on creuse à côté si on m'explique que c'est pour m'alimenter plus tard. » Et je vais tolérer mal si on m'explique qu'on creuse à côté pour faire des tranchées parce qu'on veut faire la guerre aux vos paysans en face. Mais il faut qu'on apprenne à reconnaître chez soi les choses. Vous allez dire, oui, mais je ne vois pas. Donc, je ne sais pas si on creuse pour cultiver ou si on creuse pour faire la guerre. Vous ne voyez pas, mais vous savez. Alors, ne demandez pas que ça se taille. C'est comme le patron qui va voir ses employés et qui dit, pourriez-vous clouer vos clous en silence? Ben, c'est ça. Ça va prendre du temps avant que les maisons se bâtissent, hein? Puis le patron, il revient. C'est bien là! Et qu'est-ce que ça fait? Que ça fait comme chez vous. Vous êtes toujours insatisfait. De vous. Alors, quand ça laboure, laissez labourer. Ça fait pas mal. Ça fait du bruit. Ça ressemble à... Ben, qu'est-ce que ça ressemble? Comment apprivoiser notre être pour qu'elle accepte la communication avec notre monde intérieur, le supramental? Avec notre monde intérieur et avec le supramental. Parce que l'énergie supramentale, c'est pas le monde intérieur. Ça vous entoure, ça vous pénètre. C'est total. Donc, c'est pas le monde intérieur, c'est le phénomène au complet. C'est comme quand l'individu essaie de prier Dieu, puis il y en a qui regardent dans les airs. Mais si Dieu serait dans les airs, les oiseaux seraient plus évolués. Il y en a qui regardent à l'intérieur d'eux. Ben là, les aliments qu'on mange seraient plus évolués si Dieu serait à l'intérieur. L'individu qui veut communiquer avec une chose qui est apparemment absolue, essaie toujours de la localiser. C'est un problème parce qu'en la localisant, on communique avec une seule partie puis on abandonne totalement le reste. Quand vous voulez communiquer avec vous, c'est la même chose. Vous devez... Comment on communique avec soi? En étant soi. Si moi, je parle à moi, j'exclus moi, qui parle à moi. Et ça crée toujours des problèmes. Comment apprivoiser notre être pour qu'elle l'accepte? C'est pas l'être qu'il faut apprivoiser. Il faut vous apprivoiser simplement la mécanique d'évolution. En réalité, vous devez simplement vous désensibiliser à la souffrance que les ancêtres ont vécue et que vous pensez vivre encore. Pour accepter la communication, la première chose que vous devez faire pour évoluer, voilà, c'est très très très simple, faites ceci et vous réussirez. Ce que j'ai dit là est comme comique, amusant. C'est extrêmement puissant, c'est ce que vous devez faire. Vous voulez vous en sortir? Ce n'est même pas nécessaire d'entrer dans une religion. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans une toilette publique, vous asseoir sur la bolle et attendre. Tu essaieras. Quand quelqu'un rentre dans la toilette, là, c'est le temps. Là, vous faites tout ce que vous avez besoin de faire. Le plus bruyamment possible. Si vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas capable d'évoluer. Pas encore assez vite. Si vous êtes capable, vous êtes sur le chemin puissant de l'évolution. Mais une fois qu'on a réussi, pas quand vous avez la diarrhée, là. Quand on ne peut pas faire autrement, vous empêcher. Une fois que vous avez réussi, vous devez faire autre chose. Vous devez rencontrer un passant sur la rue. Excusez-moi, mais je vous aime. Essayez ça. Si vous pouvez faire ça, et là vous allez dire, oui, mais il y en a qui le font. C'est pas à eux que je parle, c'est à vous que je parle. Choisissez-le pas trop gros, des fois. Ça, oui. Ceux qui sont facilement capables devraient aller dire, je vous déteste. Prenez, c'est pas le fait de dire je vous aime qui vous fait évoluer. Le fait, c'est que vous n'êtes pas capable de le faire, vous êtes inhibé. Il y a des parties qui ne comprennent pas, mais des parties qui pourraient. Pourquoi? Parce que c'est facile. J'étais avec un jeune en fin de semaine, de 12 ans, 13 ans, il a eu 13 ans au mois de juin. Et je lui dis, là, ce que tu vas faire, tu vas prendre 20$, tu vas l'acheter 20$ de gratuit chez le voisin d'en face. C'était dimanche soir, un peu avant le tirage de la loterie. Il y a une partie qui veut y aller. Et son mental lui dit, voyons, il n'y a rien là. L'autre partie lui dit, ouais, mais le bonhomme va penser que j'ai volé l'argent. Puis en plus, jouer et gratter, c'est stupide, puis 20$. Bon, toutes les petites parties de chez lui, là, qui sont en train de s'amuser à se parler. Et là, je lui ai dit, si tu ne veux pas y aller, vas-y pas, mais tu sais très bien que tu devrais y aller. Il dit, oui, mais tu n'arrives pas à te lever, hein? Non. Et là, je vais y aller, mais je ne sais pas quand. Finalement, il est allé. Quand il est revenu, je l'attendais. Je dis, bon, parfait. Moi, tu es allé, et puis moi, j'ai ici des billets de 6,49. On va remplir. On a rempli pour 24$. Là, j'ai dit, maintenant, tu retournes, tu les fais valider. Là, il vient de passer avec 20$ de gratteux. On est tous d'accord pour dire, il n'y a rien là. C'est ça, les problèmes. C'est ça, le problème. Lui, il avait un problème. Et si on se met à l'extérieur, on dit, voyons, non. Oui, mais le bonhomme a pensé quoi? Il y a un qui va vendre des billets. Mais il va peut-être penser que le jeune a volé. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'il dise non, je ne te vends pas. Ça change quoi dans la vie de cet enfant-là? Mais là, il travaillait en Christie ces 15 minutes-là. C'est ça qui est l'évolution. Il est allé, finalement. C'est un être très évolué qui est capable de continuer à évoluer. En espérant qu'en devenant adulte, à un moment donné, il ne dira pas, bon, là, j'en sais évoluer étant que je tripe dans la vie, ou que je me fasse peur, ou que je crée des problèmes, que je devienne sérieux. S'excuse. C'est la façon dont on dit ça quand on est bien adulte. Je deviens sérieux. Tout ce que vous avez à faire pour évoluer, c'est extrêmement simple. Ceux qui ont des moustaches, coupez-les. Allez voir. C'est très évolutif. Mais là, l'intellect, la partie, ils vont dire, bon, voyons donc, c'est pas à cause que je me coupe la moustache que je vais commencer à avancer. Juste la moitié. Ça ne convient plus évolutif. Pas pour moi, là, vous autres. Vous pouvez faire cela nécessairement, vous avancer. Et là, quelqu'un va dire, oui, mais il suffit juste d'un ego qui se met à triper, qui fait, c'est pas de lui que je parle, pas à lui que je parle. Lui, on laisse faire. Moi, je ne parle pas de ceux qui le font quotidiennement, mais qui le font facilement, ça ne rend même pas compte. Pas des autres que je parle. Moi, j'ai vu un gars au Pérou qui était en train de manger, qui était dans un gros paquet de décombres, puis les mouches, il les attrapait, puis il les mangeait. Si je vous dis, faites pareil et vous évoluerez, demandez-moi pas si lui, il est bien évolué. Lui, il n'est pas bien évolué. Il va évoluer plus tard. La problématique, c'est pas ça. C'est qu'on doit démolir des inhibitions qui fait que, rendu à un certain niveau, on ne se conscientise qu'en fonction de ce niveau et non pas de l'ensemble, de la globalité de ce que nous sommes, de ce que nous avons été et de ce que nous serons. Alors, l'évolution, c'est quoi? Ben, l'évolution, c'est ça. Dites à votre fille ou à votre fils que vous l'aimez. Comme ça. Vous n'êtes pas capable? Évoluer, c'est d'être capable. Dans le début, vous allez avoir des difficultés. On s'en fout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devenez le maître contrôleur de votre structure d'évolution. de moins en moins manipulable, de plus en plus proche d'une liberté. Simple. Pas d'un libre-arbitre, mais d'une liberté. Vous n'aurez plus besoin d'avoir un libre-arbitre pour commander de l'eau. Il y aura de l'eau. C'est ça la liberté. La liberté, c'est qu'on n'a pas besoin d'être intentionnel. C'est déjà là. C'est ce qui attend l'humain qui évolue. Il n'y aura pas de libre-arbitre. C'est inutile, le libre-arbitre. Le concept, encore moins. Alors, c'est facile d'évoluer. Très facile. Vous sortez d'ici, puis vous pouvez évoluer. Quand tu dis que... Mais c'est sûr que la personne elle m'a dit, écrime, mais là, j'ai fait 2 mois, là, que toutes les personnes que je rencontre sur la rue, je leur dis, je les aime. Comment ça aimer ça? Vous n'avez rien compris. Vous êtes acquis, c'est ça. L'idée, ce n'est pas ça. Êtes-vous capable d'accepter le neuf et arrangez-vous pour ce qui se trame chez vous puisse s'exprimer. Vous allez opérer la fusion à l'interne. C'est sûr que l'individu qui se met à faire ça, ben là, il prend la partie qui communique facilement, pas juste de dire je t'aime, qui communique facilement, et il l'inclut, il la fusionne, dans la partie de sa personnalité. Alors maintenant, il n'a plus de problème à communiquer. Maintenant, on va lui demander, quand tu vas dans une réunion importante, ne dis pas un mot. Et là, une partie de silence va maintenant venir. Parce que là, c'est facile de parler quand on a réussi à parler. Et c'est pour ça que l'humain ne doit pas... Et là, l'humain, il y a des personnes qui vont dire, « Je comprends bien, il faut qu'on s'arrange pour souffrir. » Non. Alors, ne cherchez pas l'initiation. Bon, ben là, moi, je vais commander un verre de vin, là, puis je vais me le verser ces culottes. Voir si j'évolue. Non. La journée que vous ne pourrez absolument pas le faire, peut-être, ce sera évolutif. Mais vous ne passez pas votre vie à faire ça. Vous devez aussi apprécier les bons côtés de ce que vous êtes. Pas juste passer votre temps à chercher des fusions. Mais quand on cherche ici technique, suggestion, référence. Référence, vous. Suggestion, appliquée. Technique, vous. Et c'est très simple. Très simple. Dernièrement, je suis avec un groupe de personnages où on travaille, et puis je leur ai dit, c'est une grande initiation pour vous. Ça va être d'aller à l'église cet hiver, à la messe. Parce que pour beaucoup de personnes, c'est correct. Pour d'autres, c'est extrêmement initiatique. Mais vous allez rentrer, puis quand le prêtre va lire ce qu'il a à lire, à un moment donné, vous allez lever votre main. Et là, vous allez dire, est-ce que vous pourriez me répéter le passage? Ben, où on le trouve dans la Bible? Là, il faut que tu dises à tout le monde que ça t'intéresse ce qu'il vient de dire. Ça va être très initiatique pour le prêtre aussi. Oui, mais ça, c'est pas grave. C'est le prêtre, il est là pour évoluer. Bon. Et là, ça n'a pas dit d'être un emmerdeur. Partout où vous allez. Pas obligé d'aller à la messe à la même place tous les dimanches. Ce qu'on doit saisir, c'est le principe de ce que j'énonce. Et non pas appliquer à la lettre chaque petite chose. Le chemin d'évolution est entre vos mains. Il est facile. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un ashram, de déménager au Tibet ou de s'en aller en Polynésie. C'est juste nécessaire d'être ce que nous sommes. Et on a plein de films qui viennent pour et qui ne peuvent jamais. On doit travailler pour qu'ils peuvent, pour qu'ils puissent le faire. Quand ils ont réussi à le faire, eh bien, on ne nous nourrit pas avec ça. Vous êtes beaucoup de choses. Tout ça au complet doit se fusionner. Quand la fusion de ça est faite, l'ego emmerdeur n'est plus là. La partie anti-homme est maintenant fusionnée dans la partie homme où elle se sera échappée. Puis le processus de fusion se fait rapidement aussi. On verra ça au prochain mois. Quelle nouvelle façon d'être devrais-je alimenter pour accepter de m'abandonner à cette force énergique que je sens et que je fuis? Ben, j'ai déjà pas mal répondu. Quelle nouvelle façon d'être devrais-je alimenter? Il faudrait jamais que je lise les questions pendant que tu parles. Tu réponds tout le temps. Eh bien, c'est ça, oui, c'est ça. Ce ne sera pas télépathe aussi. Vous voyez, ça, c'est un problème de l'évolution. Quand on devient télépathe, là, on devient problématique. Ouais. Ne soyez pas télépathe. Il n'y a pas de problème. Quel genre de traitement a besoin une personne qui se fait soigner par un pathologiste? Que veut dire pathologie? Mais j'espère que c'est un anti-pathologiste, parce que... La pathologie, c'est la science qui étudie les maladies. Alors, psychopathe, malade, psychologique, malade mentale, qu'on va dire. Bon. Cardiopathe, malade du cœur. Cardiopathie, maladie cardiaque. Pathie, maladie. Logie, science qui nomme, qui étudie. C'est la logie, comme astrologie. Ça étudie l'influence de ce qu'on a nommé dans un système donné. Alors, si on prend, par exemple, la physionomie, on va dire estomac, on va dire intestin, on va dire cœur. Maintenant qu'on a nommé les choses, on peut faire aussi avec l'astronomie, étoiles, planètes, Bételgeuse, on nomme. Une fois que c'est fait, on veut étudier les relations entre les choses. Alors, ce sera la logie. Alors, on étudiera la physiologie, les relations entre l'estomac et le cœur. On étudiera aussi l'astrologie, la relation entre Mars, la Terre, l'homme. Et puis après ça, on va à la gonie, qui est l'étude d'un macrocosme dans le microcosme. Alors, si on regarde physiogonie, c'est l'étude du système social sur l'humain. La cosmogonie, l'étude de Dieu ou de l'univers sur le plan planétaire. Et après, plus loin, on atteint la zoophie, qui est la compréhension sans mots, en bannissant les trois autres formes de la chose. On peut avoir physiosophie. Normalement, on a philosophie. Bon, cosmosophie aussi. L'agonie, c'est l'étude de quoi? Ça, c'est quand tu meurs. Donc, quel genre de traitement a besoin une personne qui s'est fait soigner par un pathologiste? Est-ce que la personne est plus malade? Au moins qu'elle change de pathologiste. Que veut dire pathologie, on l'a vu. Quel genre de traitement? On doit comprendre une chose. La vie est ainsi faite. Ça peut nous aider à nous écœurer un peu, il ne faut pas qu'on se déprime. La vie est faite que, comme ceci. Vous êtes sur une surface plate. Il y a des trous. Le chemin est indiqué. Mais le langage de l'indication du chemin est un langage qui ne vous plaît pas. Les pancartes sont bleues, vous aimez le vert. Alors, sûrement, vous ne suivez pas le bleu. Bon. Et vous en allez vers le vert, puis vous pensez voir des pancartes. Peut-être que ça s'adresse aux oiseaux aussi. Et puis vous tombez dans un trou. On appelle ça le karma. Et là, pendant que vous tombez, vous arrivez dans le fond du trou, paf. Et là, vous vous dites, ah, j'ai compris, c'est le bleu et je dois suivre. Mais vous êtes encore dans le trou. L'humain pense qu'à l'instant où il comprend la mécanique, tout disparaît. Tout disparaît dans la façon de continuer à avancer. Mais maintenant, vous êtes dans le trou, puis que vous avez compris, vous devrez sortir du trou. Et où il y a le problème, c'est quand l'individu se dit, « Oui, mais maintenant que j'ai compris, je ne vois vraiment pas l'intelligence d'être dans le trou. » Alors Dieu répond, « Non, moi non plus. » Mais t'es dans le trou. Alors, il faudra que tu sortes. Comment tu sors? Tu grimpes. Après quoi? Après les parois du trou. Tu attends que d'autres tombent, tu leur montes dessus. Tu cries. Si ton ego te le permet, tu demandes de l'aide. Tu cries à qui? Dehors. Tu cries. Tu cries. Fais ça y voir. Fonctionne. Si ils sont pas assez compatissants, tu vas les écœurer assez. Si quelqu'un va venir, te faire taire. Il y a peut-être une corde qui va descendre. Parce que tu as crié? Bon, peut-être. Ou parce qu'il y a une corde qui tombe là par hasard. T'essayes tout. Crie. Tu poses des questions qui sont originales. Si tu veux que je te donne pas de parallèle, je t'en donnerai pas. Ben, sérieux, t'as pas comprendre. Alors, qu'est-ce que tu fais lorsque tu as compris une chose et qu'il te reste maintenant à transcender la problématique de la chose? Tout ce que tu as à faire, c'est de te téléporter dans la conscience de celui qui comprend pour ne pas rester confiné dans la conscience mémorielle de celui qui a compris. À ce moment-là, tu sors automatiquement du trou, tu vas rejoindre celui qui... Non, à ce moment-là, tu n'as jamais été dans le trou. Mais tu l'as cru. Ah oui, avoir été. Ben, j'ai assez répondu, là. Puis si dans le trou du trou, c'est une tank sceptique, c'est ça qu'on appelle être dans la merde? Dans la phase d'anégoïsation, où est la place pour l'amour? Bon, c'est aussi un gros problème. L'individu qui évolue doit voir, se voir et voir la structure de l'évolution d'un autre point de vue. Et la majorité des problèmes que l'humain vit, ce ne sont pas des problèmes, la majorité des inhibitions que l'humain vit, c'est justement qu'il ne veut pas lâcher les choses. La personne qui dit, si je prends l'avion, alors je n'ai rien contre les avions, mais où est la place pour le système routier? Pour les autoroutes et les ponts. Alors, elle va dire, on devrait, intelligent comme on est, ou encore l'intelligence cosmique devrait être suffisamment intelligente pour inventer des avions qui vont être capables de se véhiculer sur nos autoroutes. Et il me semble que si ça serait suffisamment intelligent, ben, on pourrait avoir des avions pour qu'on pourra marcher sur nos autoroutes. Non, c'est que le principe de l'avion, c'est qu'on n'a plus besoin d'autoroutes. Ah bon, fait que nos autoroutes, c'est mauvais. Non, les autoroutes, c'est utile. L'avion décollera dessus, l'autoroute. Elle décolle dessus une piste de décollage, puis quand elle revient chercher des humains ou déporter l'humain, disons que l'avion décolle, ben vous met ailleurs. Quand elle vient rechercher d'autres, elle atterrit encore sur la piste, qui est l'autoroute pour avion. Si on veut amener l'autoroute ici, on veut absolument accepter l'évolution uniquement si les vieilles structures qui nous ont aidés et qui peuvent nous nuire sont amenées avec nous, exactement comme « comment puis-je changer sans changer? » Mais en continuant à faire ce que l'humain fait. C'est comme ça. L'amour, c'est une vision. L'amour, c'est un concept. L'amour, c'est une perception très colorée d'une chose. Pour la majorité des humains, l'amour, c'est quelque chose de formidable, d'extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des parties de leur ego qui ont déjà connu un amour qui n'aimait pas. Un amour qui n'aime pas, c'est un amour qui ne dit pas si elle, elle est laide, ah, elle, elle est belle. Un amour qui n'aime pas, c'est un amour qui aime partout. Alors, comme je disais quand j'étais jeune, si vous aimez, vous aimez tout. S'il y a une chose sur la planète que vous n'aimez pas, vous ne savez pas ce qu'est l'amour. C'est vrai. Si l'être humain veut amener l'idée qu'il a de l'amour, il aura un problème. Parce que lorsque, à un moment donné, vous allez évoluer un peu plus, vous ne serez plus capable, et vous ne le direz plus non plus, de dire à votre mari ou à votre femme, « Je t'aime plus que tout au monde. » Vous ne pourrez pas. Parce que vous allez savoir ce qu'est l'amour. Et si votre femme, votre mari n'est pas aussi réchauffé que vous, elle va vous dire, « Est-ce que tu m'aimes? » Vous allez répondre, « Oui. » Et là, elle va sentir qu'il y a une ruse là-dessus. Elle va dire, « Oui, mais est-ce que tu m'aimes plus que les autres femmes? » Vous allez répondre, « Non. » Même chose pour le mari. Le mari va dire, « Est-ce que tu m'aimes plus que les autres hommes? » « Non. » Et là, dans le concept animal qu'on a de l'amour, ça veut dire que ma femme ou mari peut coucher avec n'importe qui, s'en aller avec n'importe qui. Non. Pourquoi? Parce que je t'ai choisi toi. Mais parce que je t'ai choisi, parce qu'on reste ensemble, parce qu'on fait des choses, on évolue ensemble, est-ce que je dois nécessairement haïr plus le reste? Quand j'ai fait un choix. Quand on parle de l'amour, non. Quand je parle de l'amour intelligent, c'est un amour qui est non sélectif et qui ne demande pas non plus de conditions. Il est inconditionnel. Ce n'est pas vous, mais là, moi, je t'aime plus si tu fais ça. Vous n'avez jamais su c'est quoi l'amour. L'amour, c'est une énergie qui rayonne partout. Quand on décide de s'en accaparer pour la diriger nous-mêmes, c'est plus ça du tout qu'on a. C'est plus de l'amour. Alors, au niveau de l'évolution, de la négoïsation, tout ce qui va arriver, c'est que la capacité que vous avez de rendre sélectif l'amour, c'est l'ego, ça va disparaître. Vous ne pourrez plus déterminer ou décider ce que vous aimez. Vous ne pourrez plus haïr non plus. Et ça libère totalement l'humain de tellement de culpabilité, de tellement de problématiques que l'on retrouve ici. Problème au niveau de sa vision à lui. On ne devrait pas avoir peur d'abandonner l'amour qui nous fait souffrir, l'amour qui nous rend jaloux, l'amour qu'on peut transmuter en haine, etc. L'amour qui fait que si ma femme m'aime, moi je me sens sécurisé. Elle m'aime, donc tant qu'elle est pognée avec moi, elle ne court pas ailleurs. Mais la journée qu'elle commence à faire besoin de moi ou qu'elle commence à moins m'aimer, j'ai peur. Je ne l'aime pas, je la possède, je ne l'aime pas. Pas dans l'amour, enfin pas dans le sens où moi je parle de l'amour, peut-être dans le sens de l'humain, où toutes les chansons d'amour, des chansons de plainte, etc. Peut-être dans ce sens-là. Lorsque l'être humain va s'en égoïser, lorsque l'ego va sortir de là, lorsque vous allez devenir totalement complet, vous ne pourrez plus aimer comme l'humain aime. Pourquoi? Parce que les parties chez vous qui constituent votre conscience connaissent certaines formes d'amour. Les autres parties qui ne sont pas fusionnées à vous connaissent d'autres formes d'expression de l'amour. Parce qu'il vous en manque la majorité, nécessairement, vous pouvez ne pas aimer les Noirs. Et quand les mémoires de Noirs vont commencer à sortir, vous allez aimer les Noirs. Vous pouvez ne pas aimer les femmes, ou ne pas aimer les hommes, ou ne pas aimer, etc. Mais progressivement, quand on fait la fusion, eh bien, la vision qu'on a de l'ensemble devient comme l'œil qui maintenant est capable de tout centraliser dans un ordinateur. Un troisième cerveau qui lui permet d'avoir une vision globale de la chose. Donc, une vision complète de tous les angles, eh bien, nécessairement, vous ne pourrez plus dire « je n'aime pas et j'aime et ceci et cela ». Vous allez être libéré de ce genre de mécanique, ce qui est drôlement plus intéressant. Dans ta définition de l'amour, ça ressemble plus, selon moi, à la définition du respect que de l'amour humain, dans le sens où on l'a toujours entendu, là, l'amour possessif. Bon. Il y a chez l'être humain différentes facettes de l'amour. Il y a une partie qui appelle amour le sexe. Faire l'amour. Bon. Il y a une autre partie qui appelle amour, il appelle ça affection. Une autre partie de l'ego qui appelle amour, pour lui l'amour c'est respect. Une autre partie qui va être bien-être. Une autre partie c'est sécurité. Une autre partie c'est moment, papa. Ces choses-là ici se placent, il y aura une fusion normalement des personnalités réincarnatives qui vont faire en sorte de placer ces particularités-là dans un ordre particulier. L'homme qui bat sa femme, lui, a être puissant dans ce qu'il appelle l'amour, ça passe en priorité. Sa femme, elle, sécurisée ou encore papa, son père la battait, passe en priorité. Donc, la femme va aimer un homme qui la bat et l'homme va aimer sa femme en la battant. Et il y aura donc différentes priorités qui vont faire en sorte, peut-être par exemple, que le sexe pour le bonhomme passe très très dans les priorités. La femme, ça passe en arrière, mais parce qu'elle se sent sécurisée, elle a son bien-être, elle a son affection quand le bonhomme lui touche le corps, alors elle libère le sexe. C'est l'amour. Quand on parle d'un être humain qui se conscientise, normalement, il a les mêmes phénomènes, mais la priorité va être changée. La partie respect passe souvent en premier. Donc, je ne peux pas, si je suis une femme, faire l'amour avec un homme s'il ne me respecte pas. Parce que je m'aime, je me respecte trop. Je ne peux pas sortir avec une femme si tout ce qu'elle demande, c'est ça. Pourquoi? Je me respecte trop, je la respecte trop, sa priorité, c'est le sexe, sa priorité, c'est l'affection, sa priorité, c'est le bien-être, la mienne, c'est le respect, ça ne fonctionne plus. Donc, quand on parle d'un amour qui est totalement global, ce qui va arriver, c'est que non seulement tout devient inclus, mais l'ordre de priorité vient de changer et le respect chez l'homme ou la femme nouvelle passe en premier, comme chez l'enfant téflon, c'est bien souvent ce qui va arriver. Il paraît sans cœur, pas sans cœur. Il se respecte en premier, donc il ne peut pas le manipuler par l'affection qu'il a pour toi. Et il va l'exprimer si certaines priorités sont atteintes. Alors au niveau de cet amour, c'est un peu la même chose. C'est que globalement, celui qui ne connaît pas, celui qui ne vit pas cet amour intelligent, dans un recul, va dire... Il est sans cœur. Ou elle est sans cœur. Pourquoi? Parce que il dit à l'autre, je ne t'aime pas plus que les autres humains. La personne qui dit, elle dit, ah ben tant mieux, moi ça m'arrange. Elle ne va pas coucher avec personne d'autre. Mais là, on va dire, il y en a un des deux qui est sans cœur, les deux ne s'aiment pas, il y a un problème conjugal. En tout cas, on va en trouver des pathologies. Alors que, donc, du point de vue de celui qui ne comprend pas, il peut peut-être dire, tiens, ils mettent le respect en premier, mais finalement, c'est le même genre d'amour. C'est pas le même genre d'amour. Il y a beaucoup de choses qui vont tomber. Parce que l'homme jouit de la relation sexuelle, parce que la femme peut en jouir si d'autres critères sont atteints, parce que normalement, les êtres humains qui s'aiment vont s'autoriser à avoir des relations sexuelles, on va finalement penser que la relation sexuelle fait partie de l'amour. Exactement comme je suis un boxeur, tu es un boxeur, on s'aime. Et maintenant qu'on s'aime, dans la maison, on commence à pratiquer la boxe. Donc, on va comprendre que la boxe fait partie de l'amour. Tu sais, si on a des enfants, compliqué, là, mais donc, si on a des enfants, qui voient qu'on s'aime comme ça, ils vont penser que c'est l'amour. Alors donc, quand on parle de l'amour, c'est extrêmement dangereux. Qu'est-ce qui arrive avec l'amour quand il y a une égoïsation? Est-ce qu'il y a une place pour l'amour? C'est ici qu'il n'y a pas de place pour l'amour. On a une place pour le concept de l'amour, on a une place pour la haine, on a une place pour bien des choses comme ça, la jalousie, la honte, l'ennui, l'inquiétude. Je perds une personne chère. Pourquoi? Elle est morte ou elle est partie dans un autre pays? Mais vous n'avez absolument rien perdu, elle ne vous est jamais appartenue. Et vous ne la possédiez pas. Si vous la possédiez, bien, ne parlez pas d'amour, en tout cas. Une question que tu avais mis de côté tantôt, accepter d'être riche, qu'est-ce que c'est accepter? Bon, ça fait extrêmement long à expliquer et je préfère qu'on revienne dans une conférence sur la richesse. Je pense qu'il y en a une qui est prévue pour décembre ou janvier sur la richesse. Parce qu'accepter d'être riche, ouais, c'est ça. Je réponds juste brièvement comme ça, c'est simple. C'est vous n'avez qu'à devenir riche, qu'à accepter d'être riche, puis à oublier la pauvreté. Mais on peut en parler d'une façon beaucoup plus accessible par l'ego pour qu'il vous autorise à un moment donné à changer de choses un peu. Faire définir la richesse, définir plusieurs choses. C'est trop long à expliquer. Je vous rappelle que l'enregistrement audio de cette conférence est disponible et on vous invite mercredi prochain à l'hôtel Holiday Inn Richelieu à Montréal pour la prochaine conférence de Daniel Kemp qui aura pour titre « L'immortalisation de sa conscience ». Bonne semaine à toutes et à tous. et ceux qui t'intéressent, il y a un séminaire en fin de semaine, ça vous tente de vous faire séminariser. C'est parfait.